un été d'écrivain. Écouter un écrivain, entendre son œuvre, des entretiens, des lectures. Pour cette dernière semaine d'un été d'écrivain, une émission spéciale consacrée à Franz Hessel et son fils Stéphane. Toute cette semaine, Bernard Pingot s'entretient avec Stéphane Hessel, une émission enregistrée en 1988. À voix nue. Ce soir encore, hommage à Stéphane Hessel, décédé le 27 février 2013. C'était en mai 1988, Bernard Pingot rencontrait ce grand défenseur des droits de l'homme. Stéphane Hessel, je voudrais que nous consacrions notre dernier entretien d'aujourd'hui à vos positions politiques. Alors, je voudrais d'abord savoir si avant-guerre, vous aviez des convictions politiques particulières. Non, cher Bernard, dès le début, n'est-ce pas, dès mon plus jeune âge, et du fait aussi du milieu familial que nous avons déjà évoqué, j'étais naturellement foncièrement deux choses. Antifasciste, ça voulait dire quelque chose à l'époque. Aujourd'hui, c'est un terme qui n'a plus grand sens. Bon, antifasciste et internationaliste. Un peu contradictoire, parce que en tant qu'antifasciste, tout ce qui se passait en Italie et en Allemagne me paraissait affreux, et au contraire, le Front populaire me paraissait la seule réponse possible à cela. Mais internationaliste, et par conséquent, tout ce qui était préparation à la guerre, y compris de la part de ceux qui ont rejeté fortement Munich, m'était un peu étranger. Je n'étais pas du tout belliciste, tout en étant antifasciste. Donc, position ambiguë. Puis est venue la guerre. Au moment de Munich, par exemple, vous avez eu cette situation ambiguë. Alors. Oui, je me souviens très bien que j'ai accueilli l'annonce de Munich positivement. Pourquoi, peut-être, en deux mots? Parce que j'étais, comme beaucoup de mes amis allemands, convaincu qu'Hitler était un personnage totalement transitoire et impossible, et que très vite l'Allemagne s'en débarrasserait, et que par conséquent il ne fallait pas s'engager dans une guerre. La guerre de 14-18 était encore proche dans les esprits, et se débarrasser d'Hitler par une guerre paraissait presque écraser une mouche avec un marteau-pilon. Depuis, nous avons su que la mouche, et c'était plutôt nous, et le marteau-pilon plutôt lui. Mais à l'époque, on ne le sentait pas comme ça. J'ai donc, au fond, penser que le répit de Munich nous permettrait de faire cette grande coalition avec l'Union soviétique à laquelle je croyais et qui ferait chuter Hitler par sa propre bêtise. Voyez, erreur grave. Alors, la guerre éclatant, mon choix était évident, je ne pouvais que souhaiter me battre. J'étais d'abord jeune, et on l'a déjà dit quand nous avons parlé de ma jeunesse, et par conséquent, mon affection pour le général de Gaulle était une affection, je dirais, non politique au sens partisan du terme, mais patriotique. C'était la patrie telle que je l'envisageais, c'était la France que j'avais choisie, c'était la France républicaine, la France de gauche, la France du Front populaire, et pour moi, de Gaulle était ce qui s'apparentait le plus à cette France-là. Donc, aucune hésitation. Bien qu'il fût totalement de droite, enfin qu'il eût un passé, en tout cas, un passé de... Bien qu'il eût un passé de droite et que beaucoup de mes amis à Londres même avaient des réserves à son égard, vous vous en souvenez. Mais vous l'avez rencontré, à Londres même, plusieurs fois ou... Oui, j'ai eu le privilège d'être reçu à déjeuner par monsieur et madame de Gaulle en présence de monsieur Clauzon, comme un jeune petit lieutenant qui venait faire le salam alek nécessaire et le faire avec émotion, car c'était un personnage pour nous tout à fait historique. Et je dirais qu'après la guerre, j'ai eu plusieurs années où c'était plutôt ma vocation d'internationaliste qui l'emportait, et je ne serais même pas capable de vous dire si à cette époque-là j'étais plus à gauche ou plus à droite ou plus au centre. La première fois où je me suis de nouveau trouvé en mesure de choisir une voie, c'était, il faut bien le dire, au moment de la présidence de Pierre Mendès-France. Alors Mendès-France, vous l'avez rencontré d'abord à l'Écosse, ce fameux ECOSOC, au Conseil économique et social des Nations Unies, où il était le représentant du gouvernement français. Vous l'aviez déjà vu à Londres, vous aviez donc déjà quand même des liens particuliers avec lui. Oui, Pierre Mendès-France a été un ami depuis Londres et un ami de mon ménage. Ma femme avait une très grande affection pour lui et pour Lily. Nous étions liés. La première Madame Mendès-France, Georges Boris, que nous connaissions intimement de Londres. Tout cela, c'était un peu, normalement, notre milieu familial. Et donc, de Londres, ensuite New York, où il venait pour le Conseil économique et social, son amitié avec Laugier, tout ça est resté très fortement, pour moi, la personnalité politique que j'admirais. J'avais trouvé que dans son conflit, enfin dans son différend avec Pleven et avec De Gaulle, la vérité était de son côté. J'avais admiré sa façon de se comporter pendant la guerre. Bref, je n'avais vraiment aucune réserve à son égard et au contraire le souci de le voir jouer un rôle aussi important que possible. Et j'ai été très très très reconnaissant qu'il accepte de me prendre dans la petite équipe de son cabinet en 1954 lorsqu'il a été président du Conseil. Alors là, chez Mendès-France, vous êtes chargé de quoi ? Alors, chez Mendès-France, je me trouve dans la petite équipe animée par Georges Boris, dans laquelle se trouve aussi Jean-Louis Crémieux-Briac, et nous sommes chargés de fournir au président les éléments de ses causeries du samedi. Peut-être qu'on en dise un petit mot, parce que il faut peut-être rappeler qu'à cette époque-là, il n'y a pas de télévision. Exactement. Enfin, tout se passe par la radio. Elle est très, très, très peu répandue. C'est le même instrument que nous utilisons, vous et moi, en ce moment, et qui a une très grande force lorsque, justement, la voix, qui était celle, une voix tout à fait inoubliable de Mendès, qui était une voix de contact direct avec le citoyen. Et je crois que c'est ce que lui ont reproché ses ennemis parlementaires qui voyaient là, je dirais presque du césarisme, alors que pour lui, c'était exactement ce qui lui paraissait indispensable, c'est que les citoyens sachent ce qui était en train de se passer. Et il était le seul à pouvoir le leur dire clairement, brièvement et éloquemment. Et il leur disait tous les samedis. Et alors votre rôle était de... Comment travaillait-il? Il lisait un texte tout préparé ou vous lui prépariez des notes après en avoir discuté avec lui ou... Il était tout à fait en mesure de refaire un texte et de le faire à sa manière. Mais il avait une très grande confiance en Georges Boris. Et c'est Georges Boris qui était vraiment le maître d'œuvre de ses causeries et la petite équipe dans laquelle je figurais modestement, qui lui préparait ses textes, pensait surtout soit à des formulations, soit à des thèmes, et on regroupait tout cela. Georges Boris faisait une première mouture assez détaillée, et le président l'aménageait à sa façon. Voilà, c'était donc ça, ce travail très modeste, mais qui était pour moi, jeune encore à l'époque, 54, j'ai donc 37 ans, c'était une expérience très passionnante de se trouver au cœur même de l'endroit où les décisions se prenaient. Oui, vous étiez pratiquement obligé de suivre tout ce qui se passait, puisque dans ces causeries du samedi soir, c'était un petit peu un panorama très, très, très raccourci, mais de l'ensemble de l'activité du gouvernement et de ses projets. Voilà, c'est ça. C'était donc en effet une façon très intéressante pour un jeune diplomate d'avoir un peu accès à tout. De plus, je le suivais quand il allait en voyage, notamment aux Nations Unies, puisque c'était déjà un peu ma spécialité, et là, je pouvais davantage l'aider à comprendre le fonctionnement de ce système, qu'il connaissait d'ailleurs très bien, mais à le mettre au jour de ce qui s'y était passé dans l'intervalle. Alors, ça nous amène à 58, parce que, enfin, qu'est-ce qui se passe en 1958 ? Un général... Disons les choses pas n'importe lequel. Pas n'importe lequel, mais enfin, disons les choses d'une manière un petit peu simplifiée. Oui. Pour comprendre la réaction de Mendès et la vôtre, je crois, un général revient à la tête du pouvoir par un coup de force. Un coup de force déguisé de manière très, très, très élégante, avec séance à l'Assemblée nationale, vote de confiance et tout ce qu'on voudra. Enfin, il se fait donner les pleins pouvoirs, dissout l'Assemblée, décide de faire une nouvelle constitution. Tout ça en 15 jours, ça correspond exactement à la définition classique du coup d'État. Et c'est ce que, à ce moment-là, Mendès, qui pourrait devenir l'homme de confiance de ce général, avec lequel il avait déjà travaillé à Londres, et après la guerre, Mendès refuse toute espèce de coopération avec de Gaulle, parce qu'il estime que de Gaulle est revenu au pouvoir dans des conditions irrégulières. Et à ce moment-là, quelle est votre position à vous, en tant que Mendésiste ? Elle est tout à fait la même. Elle est de considérer que la démocratie est en danger et que même si vis-à-vis du général de Gaulle lui-même, j'ai toujours eu un grand respect et le sentiment que c'était quelqu'un qui ne voulait pas la dictature, j'étais convaincu qu'il n'était peut-être plus totalement libre de ses actions. J'ai sous-estimé, si vous voulez, sa manœuvre. Et je me suis posé des questions sur ce que les salans, les colonels et autres allaient faire en utilisant le nom de De Gaulle, mais en essayant de s'emparer des leviers du pouvoir en France et en établissant en France une dictature de type militaire qui maintiendrait l'Algérie dans le giron français, qui empêcherait la poursuite de la décolonisation et qui ne serait pas respectueuse des droits de l'homme en France. Et donc, pour moi, il n'y avait pas de question, il fallait trouver une voie pour manifester mon désaccord avec ce qui était en train de se passer depuis le 13 mai. Et c'est ainsi qu'à la fin du mois de mai, ou au début de juin, je crois, je me suis retrouvé avec un certain nombre d'amis de l'époque de la guerre, de la résistance, parmi lesquels, naturellement, au premier plan, Daniel Cordier, qui avait été le collaborateur le plus proche de Jean Moulin, le fédérateur de la résistance. Et nous nous sommes posé la question, quoi faire ? Faut-il commencer à organiser des maquis ? Nous étions naturellement un peu juvéniles dans tout ça, un peu foufou, mais le souci de mettre au cœur de notre réflexion une réflexion éthique et démocratique nous a fait écrire une charte. Il y avait la charte du club Jean Moulin. Nous avons donc été plusieurs a créé ce club. Et ce club comprenait des fonctionnaires, des... Beaucoup de... Oui, essentiellement des hauts fonctionnaires, et au bout de peu de mois, cette équipe du club Jean Moulin s'est bien aperçue que ce que faisait le général de Gaulle n'était pas un coup d'État, n'était pas le passage à une dictature militaire, mais une république d'un genre nouveau avec laquelle il fallait essayer de vivre. Et donc notre réflexion s'est portée alors essentiellement sur deux points. La démocratie, qu'est-ce que c'est dans le monde moderne ? Et le livre que nous avons réalisé, qui s'appelle « L'État et le citoyen » et qui était un livre collectif du Club Jean Moulin, était une réflexion là-dessus. Et l'autre problème, naturellement, c'était l'Algérie. Et nous avons écrit, publié, travaillé, le club en tant que tel a travaillé pour favoriser une solution du problème algérien, y compris en demandant aux gens de soutenir l'action du général de Gaulle, président de la République, lorsqu'il allait vers une négociation avec le FLN. Voyez-vous, le club a été pour moi une expérience particulièrement intéressante et dont je garde, je dois dire, le souvenir le plus agréable par les contacts amicaux qui se sont établis avec toute une équipe qui n'était pas politiquement homogène, mais qui avait en commun un souci de clarté, de lucidité et de compréhension des phénomènes économiques de notre temps, économiques et politiques de notre temps. Une de nos préoccupations au club était il faut reconstituer le tissu de la démocratie et donc un grand parti de gauche. Et nous considérions que ni Guy Mollet ni la SFIO ne répondaient à cette dénomination. Ni Valdecrochet. Ni Valdecrochet, ça il en a toujours été. Encore que nous ayons eu à un moment donné des relations très intéressantes avec des jeunes communistes, chercheurs communistes, ou proches, ou gauchistes. Par exemple, un garçon qui a joué un rôle important, qui est d'ailleurs un ami très cher, c'est Michel Bosquet, alias André Gortz, alias Horst, que vous connaissez, je suis sûr, et qui a travaillé au Temps moderne et qui était quelqu'un de très à gauche et de très intéressé par l'évolution du syndicalisme. Tout cela, c'était des apports au club qui étaient donc largement ouverts. Nous n'avons jamais eu d'exclusive à l'égard de gens parce qu'ils venaient de telle ou telle formation politique. Il s'agissait surtout de les faire travailler. Alors, Stéphane Hessel, on va passer maintenant à la dernière phase. Ce grand parti de gauche dont vous rêviez à l'époque a tout de même fini par se constituer. Après 1971, à la suite de l'arrivée de François Mitterrand à la tête du Parti Socialiste, qui à ce moment-là redresse la tête, se reconstitue, accueille de très nombreux adhérents qui ne voulaient pas faire partie de l'ancien Parti Socialiste à cause de tous ces problèmes de la guerre d'Algérie dont vous avez parlé, et aussi à cause de l'attitude de certains socialistes au moment de 58. Donc ce grand parti de gauche se crée, nous passons par-dessus les luttes politiques, les combats politiques de la période que vous ne suivez que de loin parce que vos fonctions ne vous permettent pas de les suivre, et on arrive à 1981 où François Mitterrand est élu président de la République et où par conséquent la gauche revient au pouvoir, ou s'y trouve pour la première fois depuis 1936. Elle avait participé au pouvoir à plusieurs reprises depuis la Libération. Elle en était éliminée totalement depuis 1960, 58-60, et là, elle revient au pouvoir, et vous êtes à ce moment-là vous-même à Paris, alors... Non, je suis à Genève. Vous êtes à Genève, c'est la période de votre dernier mandat international. Oui, et j'obtiens un gros succès auprès de mon collègue chinois, l'ambassadeur de Chine auprès des Nations Unies, à qui je prédis quelques mois avant l'élection présidentielle que le président Giscard d'Estaing serait battu. C'était un pari comme un autre, mais il a été gagnant, et depuis lors, mon collègue chinois me considérait comme un prophète. Pour ma part, naturellement, je souhaitais vivement ce succès de la gauche, parce que non seulement j'avais une grande confiance, naturellement, dans le candidat de la gauche, mais aussi je trouvais que l'alternance dans le cadre de la Ve République était absolument indispensable. Si on n'arrivait pas à l'alternance, le régime était en quelque sorte condamné comme non démocratique. Et pour moi, le fait que l'alternance était possible me justifiait a posteriori dans l'appui que j'avais donné, malgré tout, au sein du Club Jean Moulin, aux institutions de la Ve République. Oui. Me voilà donc très heureux à Genève et très vite, naturellement, Claude Cheysson, ministre des Affaires étrangères, fait appel à moi. Je me retrouve à Paris où on me confie une fonction qui m'a beaucoup intéressé mais qui a été brève, délégué interministériel chargé de la coopération et de l'aide au développement. On retrouve ma dimension nord-sud. C'est à l'époque, le ministre de la Coopération était Jean-Pierre Cotte. Alors naturellement, mon travail essentiel consistait à collaborer avec Jean-Pierre Cotte. J'étais auprès de Pierre Mauroy, lui était ministre, mais notre relation est tout de suite devenue une relation de grande amitié, de camaraderie, je peux dire. Nous consultions chaque fois qu'il s'agissait de lancer telle ou telle opération en matière de coopération nouvelle. Il y a eu à ce moment-là divergence de vue entre la présidence de la République, si je me souviens bien, entre la présidence de la République et Jean-Pierre Cotte sur la conception même de la politique de coopération. Oui, nous étions d'accord, Jean-Pierre Cotte et moi, pour faire une innovation qui finalement n'a pas eu lieu et dont je déplore encore aujourd'hui l'absence, car elle est difficile à intégrer dans le système français. En réalité, on en est resté à l'idée d'un ministère de la coopération chargé essentiellement de l'Afrique et de l'Afrique au sud du Sahara, ne s'occupant ni du Maghreb, ni de l'Amérique latine, ni de l'Asie, alors que pour moi, comme pour Jean-Pierre Cotte, l'essentiel était pour la France d'avoir une position unique pour parler des problèmes du développement. Nous l'avons manifesté, et ça a été ma grande joie, au début de la présidence du président Mitterrand, par ses déclarations à Cancun, par la grande conférence qui a eu lieu à Paris en 81 sur les pays les moins avancés, où la France a pris des positions courageuses pour l'ensemble des pays en développement. Et puis, pour ce qui est de la structure administrative, on en est revenu, je n'ose pas dire à la France d'outre-mer, mais pratiquement à un champ qui est le champ africain francophone et dans lequel on met l'essentiel de son action et on se désintéresse du reste. De plus, nous avions, Jean-Pierre Cotte et moi, acquis la conviction que l'on ne pouvait pas traiter de la même manière avec les pays de démocratie ou en voie de démocratisation et avec les pays de dictature. Et nous souhaitions l'un et l'autre qu'il y ait là-dessus une nette prise de position du côté de la France. C'était difficile, je le reconnais. Il ne fallait pas aller trop loin, il fallait le faire avec discrétion. Mais cela gênait un certain nombre de chefs d'État africains que je ne citerai pas, mais qui trouvaient qu'on n'allait pas dans le sens qui leur paraissait le plus favorable à leurs intérêts. Et c'est là-dessus, en grande partie, que s'est fait cette regrettable rupture entre le président de la République et son ministre de la Coopération, et que celui-ci a été remplacé par un autre avec lequel je n'ai plus eu l'occasion de coopérer, puisque dans l'intervalle, on m'appelait comme membre de la haute autorité communication audiovisuelle. La dernière étape de notre parcours, qui est un petit peu surprenante par rapport à toutes les précédentes, en fin de course. Oui. En fin de course. Vous ayant acquis entre-temps la dignité d'ambassadeur de France, arrivé au fait des honneurs et de la considération, on vous désigne comme membre d'un organisme nouveau qui s'appelle la Haute Autorité, qui est chargé d'assurer l'indépendance de l'audiovisuel vis-à-vis du pouvoir. Alors ça, c'est une institution qui a fait couler énormément d'encre, qui a été remplacée après 86 par une autre. Est-ce que vous avez quelques jugements à porter sur l'action de la Haute Autorité, où vous avez passé, je crois, 3 ans? 3 ans, 3 années... très très intéressante, très passionnante pour quelqu'un qui avait tout à apprendre du domaine des médias. Donc j'étais privilégié, mes camarades autour de notre présidente dont nous étions tous un peu amoureux, Michel Cotta, mes camarades, eux, connaissaient bien le domaine des médias, savaient ce qu'il fallait en attendre. Moi, j'y venais avec pas mal de candeur et il me semblait en particulier que notre rôle devait être de servir d'écran entre les impulsions politiques éventuelles et les journalistes et l'information. Et cet écran, je crois que nous l'avons été. Peut-être pas autant à 100% que je l'aurais souhaité, c'était difficile, mais j'estime que nous avons fait là un travail utile. Ce qui m'incombait, curieusement, parce que mes collègues pensaient que, en tant que diplomate, je me débrouillerais mieux avec la masse des interlocuteurs, c'était les radios locales privées. Il s'agissait de distribuer les quelques fréquences disponibles sur le territoire à des associations qui avaient envie de faire de la radio et avaient envie de la faire sous une forme associative et culturelle. Et il fallait les inciter à s'entendre entre eux pour n'occuper qu'une seule fréquence à plusieurs, combiner leurs projets. Et ça paraissait toujours impossible à ces jeunes, surtout ces jeunes et sympathiques joueurs de musique rock, qui trouvaient que leur musique rock était sans commune mesure avec la musique rock de leurs voisins. Et quand je leur disais, mais écoutez, il n'y a qu'une fréquence, mettez-vous d'accord, faites un programme commun, se regardaient comme si je leur imposais d'horribles mélanges, et ça finissait généralement assez mal. Enfin, ça a quand même fini par se répartir petit à petit. Le problème, c'est d'ailleurs reposé, si je ne me trompe, à vos successeurs, et a même connu quelques développements assez spectaculaires. C'est très difficile de travailler dans ce domaine où chacun est passionné et où chacun estime que la passion de l'autre est coupable. Mais en plus, il faut dire qu'au début, nous travaillions sur un texte de loi qui indiquait que les radios locales ne pourraient pas faire de publicité, ne pourraient pas être commerciales. Et à un moment donné, le président de la République a pensé qu'il fallait changer. La loi a donc changé et du coup, tout le jeu était à refaire. Et les meilleurs, les plus sympathiques des radios associatives étaient constamment en danger de se faire racheter, faute de crédit, faute de fonds, par des radios commerciales, de sorte qu'au total, cette expérience m'a montré, une fois de plus, que la démocratie est quelque chose de très fragile, qu'il ne faut pas trop y toucher, et qu'on va trop vite transformer une loi en une autre loi, et qu'une certaine constance des principes s'accommode mal d'une modification trop fébrile des statuts. Eh bien, Stéphane Hessel, nous voilà arrivés presque au bout du parcours. Et ce que vous venez de dire est une bonne introduction à la conclusion. Après avoir quitté la Haute Autorité et après avoir pris votre retraite, vous n'avez pas pour autant cessé de vous intéresser à la politique et vous avez été un des supporters les plus constant de Michel Rocard au cours de la longue campagne d'explication qu'il a menée entre 85 et 88, et vous avez été le président des clubs convaincre, c'est-à-dire cette série d'associations qui, dans différents points du territoire, regroupaient pour réfléchir les amis, les partisans de ceux qui partageaient la vision de Michel Rocard. Et c'est un petit peu sorte un nouveau club Jean Moulin, mais cette fois alors très nettement orienté, enfin marqué politiquement. Effectivement, Michel Rocard a été tout au long de ces années, pour moi, l'homme politique qui incarnait le mieux, pour être simple et court, le message de Pierre Mendès France. Non seulement je l'avais connu du temps où j'étais proche de Mendès, mais tout au long de la vie du club Jean Moulin et par la suite, j'avais toujours reconnu en lui quelqu'un pour qui ce qui comptait, c'était d'abord les idées et les idées démocratiques et les idées de progrès, pas les hommes, pas les combats politiciens, ce qui d'ailleurs rend la carrière d'un homme politique toujours difficile. Mendès en est un exemple. Michel Rocard me paraissait donc comme le porteur d'une vision de la démocratie et de la gauche qui me convenait profondément. Et quand je l'ai rencontré à Harvard à une conférence en 1985 et qu'il m'a parlé de son désir de lancer des idées et de faire un travail de civisme en France, je lui ai tout de suite donné mon plein accord pour y contribuer. Et il m'a dit, eh bien, il va y avoir ces clubs. Et vous qui avez connu et animé en partie le club Jean Moulin, vous pouvez m'aider là-dessus. J'ai donc très volontiers pris cette tâche à cœur. J'ai trouvé auprès de ces personnes qui se regroupaient dans toute la France au sein des clubs convaincre des gens qui avaient également cette même volonté, ce même idéal démocratique, cette même volonté de prendre les problèmes concrets localement là où ils se trouvent, ce qui me paraît toujours très important en France, sortir de l'idéologie pour entrer dans le pratique, et c'est bien aussi une des composantes de la personnalité de Michel Rocard. C'est vous dire que j'ai eu beaucoup de plaisir au cours de cette période où les clubs convaincre se sont organisés peu à peu, à être leur interlocuteur, à essayer de mobiliser des amis pour leur trouver une pâture de réflexion politique, économique, sociale, culturelle, et que ça a été pour quelqu'un qui venait de passer à la retraite une façon de garder ses propres idéaux sous une forme pratique et de le faire autour d'un homme pour lequel j'avais non seulement de l'amitié, de l'affection, mais beaucoup de respect. Et si je vous demandais pour finir, Stéphane Hessel, ce que signifie aujourd'hui, au terme de cette longue évolution et cette longue réflexion, un mot comme le mot gauche, qu'est-ce que vous diriez ? Je dirais que le mot gauche signifie pour moi se mettre dans la situation des dominés et non pas dans la situation des dominants. Je tire d'ailleurs cette formule d'un excellent livre d'Emmanuel Todd, La Nouvelle France, qui, je trouve, est un éclairage très juste de ce qu'est devenu en France la réflexion politique. Ceux qui se mettent dans la peau des dominants pour essayer de faire le bien sont des hommes respectables, mais de droite. Ceux qui se mettent dans la peau des dominés pour combattre l'injustice et obtenir plus de solidarité sont pour moi des hommes de gauche. Merci Stéphane Hessel. C'était un hommage à Stéphane Hessel, l'inspirateur du mouvement des Indignés, décédé le 27 février 2013 et que Bernard Pinault avait rencontré en mai 1988. À voix nue, réalisation Anne-Pascale Desvignes, coordination Sandrine Trainer. Cette émission reste écoutable en ligne pendant une durée de 1000 jours et podcastable pendant un an sur franceculture.fr. France Culture, un été d'écrivain, deuxième partie. Le temps de la lecture avec Franz Hessel, le feuilleton d'un flâneur, réalisé par Étienne Vallès. Nous vous proposons d'entendre en nouvelle diffusion 5 des 10 épisodes du feuilleton consacré à l'écrivain allemand Franz Hessel, père de Stéphane Hessel, par Bruno Takens. Ce qui fait de la caractéristique de ce type étrange qu'était mon père, c'est la notion de non-possessivité. Donc, aussi bien les femmes que les villes, il faut les aimer, il faut en profiter, mais il ne faut pas les utiliser. Stéphane Hessel. Par exemple, une ville que l'on veut utiliser pour acheter des choses, non. Pour être à la tête de la ville, pour devenir, je ne sais pas moi, peut-être un maire ou une édile, oh non, surtout pas. Il faut rester à la distance où on voit, où on perçoit, où on goûte avec gourmandise, où on communique éventuellement à d'autres, parce qu'il faut quand même penser aux autres, une gourmandise, décrire une femme de manière à la rendre agréable, plaisante. Description magnifique, extrêmement courte. N'est-ce pas ? C'est un type qui n'avait pas la fibre politique, à la différence de Benjamin, n'est-ce pas ? Il ne s'est que peu intéressé au communisme, alors que Benjamin, quand même, ça a été une de ses grandes préoccupations. Il a toujours été enchanté quand il y avait de bonnes relations franco-allemandes. Pour lui, des gens comme Briand, Stresemann, c'était les gens qu'il respectait, qu'il aimait. Il avait une idée sur l'Europe qui était Charlemagne. Pour lui, l'Europe à construire, c'était l'Europe de Charlemagne. C'est-à-dire l'Angleterre ne comptait pas tellement. C'était vraiment la France, l'Allemagne et cette centre-européanité avec le nord de l'Italie, avec la Hongrie. Ça, pour lui, c'était l'Europe telle qu'il fallait essayer de la faire vivre. Il y a dans Romance parisienne, il y a des passages qui me paraissent très prémonitoires, où il sent que cette civilisation est en danger. Ça c'est avant la Première Guerre mondiale. Mais il sent, c'est une espèce de considération plus générale sur la modernité redoutable, un peu comme Benjamin, mais beaucoup moins fort, beaucoup moins élaboré. Franz Hessel, le feuilleton d'un flâneur, par Bruno Takels. Sixième épisode. Aujourd'hui, l'intraitable vigie de son temps, avec Olivier Clavery et la voix de Maxime Dambrun. Franz Hessel, l'intraitable vigie de son temps. Franz Hessel, encouragement au plaisir. Extrait. Quel dommage pour l'esprit. C'est à cette conclusion qu'avec le temps sont parvenus les administrateurs compétents de l'assistance publique. Peut-être, disent-ils, a-t-on eu tort de faire de l'esprit une abstraction, car jamais plus il ne veut se présenter à nous sous la forme de langue de feu. Comme, en outre, les conditions économiques, par suite du progrès que l'on sait, sont devenues de plus en plus compliquées, et particulièrement pour les pauvres, les bateliers de l'assistance publique en sont venus à l'idée heureuse qu'il fallait un produit de remplacement pour l'esprit. La prétendue culture générale, que nous désignerons à l'avenir, sous sa forme abrégée, la QGN. Ils avaient découvert, pour ne parler que de notre pays, les premiers balbutiements de cette institution d'utilité publique dans l'époque classique, c'est-à-dire au siècle de Goethe, où triomphaient alors l'art et les sciences de l'esprit. Mais en ce temps-là, la QGN n'était encore qu'un privilège, et le plaisir nullement innocent de quelques individus qui, avec cette édification, ne songeaient en fait qu'à s'édifier eux-mêmes. Il fallait donc remédier à cette situation. Afin d'être utile et contribuer à la consolidation de l'État, la QGN devait être plus convenablement dosée. Pour montrer à quel point elle pourrait ensuite constituer une distraction, il suffit que le lecteur se rappelle une des premières histoires de ce livre, celle où il est question de ces mots croisés auxquels la presse s'évertue à rendre la QGN plaisante en procurant à quiconque est fatigué de travailler ou au chômage, l'un à l'occasion de ses brefs loisirs, l'autre à la faveur de loisirs trop longs, une occupation rafraîchissante. Et ceci en lui faisant humainement approcher les célébrités de l'histoire, de l'art et de la science, et en le familiarisant avec les nombreuses curiosités géographiques, géologiques, météorologiques, etc. Il faut d'ailleurs espérer que grâce au progrès futur de la technique, cet agréable produit de remplacement de l'esprit deviendra lentement un produit de remplacement de la vie, une sorte de vitamine qui nous épargnera de plus en plus le plus ennuyeux souci de vivre par nous-mêmes. Le développement du film et de la radio produira à la longue quelques chefs-d'œuvre global qui nous permettra de participer, non pas comme jusqu'à présent avec juste les yeux et les oreilles, mais avec les cinq sens, non seulement aux événements mondiaux les plus importants et les plus éloignés, mais aux jeux du stade du club sportif de la police, comme à ceux des phoques de la mer de glace, aux guerres en Extrême-Orient, aux éruptions volcaniques dans l'ouest de l'Amérique, à l'évolution des organismes protoplasmiques depuis l'œuf jusqu'à l'élevage du poussin, à l'ensemble de la vie amoureuse au sein de la nature ou de la civilisation, sans avoir à bouger de notre fauteuil au parterre, si commode et si bon marché. On s'est servi, de tout temps, pour reconnaître et représenter le passé, développer le sens historique, d'un moyen mieux adapté à la conscience et à la mémoire que les dates, les noms, les commentaires. Je veux parler de l'anecdote. Comme Hérodote, Plutarque, Montaigne, bien des auteurs de biographie ont mis à profit cette forme agréable de communication. C'est, nous semble-t-il, un domaine qu'il faut continuer à exploiter. Ici, il n'est pas nécessaire de se limiter à la tradition. Au contraire, si on la complète, si on l'élargit, on mettra finalement au point une forme de jeu de société où les participants pourront, en fonction de leur culture générale, rivaliser entre eux et se montrer créatifs. les prétendus musées sont des lieux privilégiés où la QGN trouve facilement à s'exercer avec une grande efficacité. Ce mot, qui à l'origine signifiait « le siège des muses », est aujourd'hui communément utilisé pour désigner ces lieux publics où sont conservés un certain nombre d'objets culturels, en particulier des objets d'art, posés sur des socles ou accrochés aux murs. On y expose à tous les regards ce qui a été enlevé à la pénombre chargée d'odeurs d'encens, des églises et des chapelles, à la blancheur solennelle des palais qui ont appartenu aux familles princières d'antan, au boudoir luxueux où trône un miroir ou au logement misérable d'un artiste. Aucun rituel n'est plus nécessaire pour s'en approcher. L'entrée est fixée à 50 pfennigs et elle est libre le dimanche, le mardi et le vendredi. La plupart du temps, les adeptes de toute nationalité de la QGN ont été préparés par les guides touristiques ou les catalogues avant de pénétrer dans le hall où les attend le plus souvent un sympathique présentoir pourvu de séries mobiles de cartes postales grâce auxquelles on peut rapidement voir tout ce qu'il n'est pas permis de manquer. Et peut-être même peut-on penser que nombre de choses sont appréhendées sous cette seule forme. On les achète et on les emporte pour les regarder tranquillement chez soi. Les progrès de la technique de reproduction et la QGN qui va en augmentant permettent alors à de nombreux détails d'être vus plus distinctement que dans la réalité crue. Ici, l'on pourrait ajouter certaines réflexions qui viendraient compléter ce que l'on a dit précédemment sur le substitut de la vie, mais nous jugeons le moment prématuré. Ceci pourrait nous conduire trop loin ou trop près. C'est une occupation très amusante si l'on souhaite pénétrer l'âme, ou plus exactement le devenir des choses exposées dans les musées, que de regarder faire les copistes. On entend désigner par là cette catégorie particulière de gens habitués à conjurer les esprits et qui sont dans les musées comme chez eux. Pour eux, Madeleine doit recommencer à expier et à entretenir un rapport amoureux avec une tête de mort. Un instrument de musique est posé dans la main de l'ange et une flèche plantée dans le ventre de Saint-Sébastien. Les filles du Titien entassent des fruits succulents dans une coupe. Un dragon providentiel se cabre sous la lance rêveusement boisée de Saint-Georges. Les apôtres de Durer sont dotés d'épées et de livres. Judith tient dans sa main la tête d'un homme, et les gamins de Murillo reçoivent de savoureuses pastèques entre leurs doigts. Il est souvent plus distrayant d'observer ces magiciens que sont les copistes que de regarder ces choses suspendues au mur et qui sont achevées depuis longtemps. Au moins, l'on peut voir comment tout cela est fait. Et l'on éprouve les mêmes surprises que lorsque l'on était enfant et que l'on assistait, à travers les opérations de décalcomanie, à la lente apparition des images. Lorsqu'ensuite, courageusement, les adeptes de la QGN s'engagent dans le labyrinthe, toutes sortes de particularités, nationales ou autres, se font remarquer. L'anglo-saxon, en particulier celui des États-Unis, se doit de venir à bout d'une ville ou d'un pays in a fortnight, ou plus vite encore. Et c'est pourquoi il traverse les salles d'un pas élastique, ne faisant que de courtes haltes devant les choses pour constater leur présence. Le Parisien et ses imitateurs latins et balkaniques entrent le plus souvent par couple. Elles montrent de ravissants paysages où l'on pourrait habiter une petite maison pour l'été. Lui compare telle beauté accrochée au mur à celle à ses côtés. L'Allemand se présente souvent sous les traits d'un père de famille accompagné de sa suite. Papa a été préparé par l'école ou par le Baedeker et donne des explications à la mère et à la petite Lise et se laisse lui-même admirer grâce aux choses dignes d'admiration qu'il donne à voir. Les adeptes de la QGN peuvent se diviser encore d'une autre façon selon la classe sociale, l'âge, etc. Cela donne par exemple cette vieille dame, conséquence originale du progrès, qui dit combien il est étonnant de voir tout ce que les gens d'autrefois ont été capables de faire. Quelques bons hommes en livrée arpentent les salles avec le plus grand flegme. Ce sont les bedeaux de ces nouvelles églises. Ils posent sur les merveilles accrochées au mur le regard là des gardiens d'espèces protégées, zoologiques ou criminelles. Ce qu'ils préfèrent, c'est garder les cabinets des médailles ou les collections de vases, où il ne se passe presque rien, et où l'on peut, de temps en temps, faire un petit somme confortablement assis sur une chaise. Alors il arrive qu'un couple d'innocents amoureux s'attarde près d'eux, car ils trouvent là une petite place où ils peuvent être seuls, les yeux dans les yeux. Ceux-là ont notre sympathie, mais ils nous détournent, même si c'est de façon agréable, de notre sujet auquel nous nous empressons de retourner. Certaines expositions, qui traitent d'un domaine particulier de la culture, sont très profitables à la QGN. Je ne parlerai pas de tout ce que l'on peut apprendre dans celles de la Kaiserdamm, dans le Nouveau Berlin, et qui sont consacrées au cuir, à la radio ou à l'architecture. Je dirai par exemple, pour rester exclusivement dans le domaine de l'art, combien est instructive, par exemple, une exposition d'art chinois comme celle que l'on a pu voir voici quelques années à l'Académie. On était alors véritablement au cœur des choses, au pays de la culture. J'avais hésité des semaines entières à y entrer. C'est un défaut typique des gens de ma génération, ils s'entêtent à ne vouloir vivre que des expériences personnelles. C'est un défaut dont il faut se défaire. On m'en avait tellement parlé. De différents côtés, notamment une matrone distinguée, un étudiant aussi appliqué que boutonneux, et même une jolie fille, normalement sans don didactique. On m'avait prescrit un itinéraire à travers les salles de l'exposition. Je ne devais pas commencer par la salle 1 pour ensuite continuer par les salles 2, 3, 4, mais me rendre directement à la salle 11, puis avancer selon un ordre historique. Un ami avisé m'a expliqué les raisons d'une telle unanimité chez des gens ayant un intérêt différent pour la Chine, en me montrant le remarquable essai d'un célèbre critique d'art dont tous ont suivi les conseils. Nous voyons ici que la presse sert aussi à faciliter l'accès à la QGN. Malheureusement, et c'est la faute de cette génération récalcitrante à laquelle j'appartiens, ceci me fit plutôt peur. Même le gros catalogue que j'ai eu l'occasion de consulter eut sur moi un effet dissuasif. Il maîtrisait toute l'évolution de l'art chinois et enseignait comment distinguer entre les dynasties Han, Tang et Ming. Mais finalement, un dimanche matin, je m'y suis précipité et je suis passé au hasard entre les animaux de porcelaine, les faux-dieux en bronze, les belles coupes et les peintures sur soie. Il y avait beaucoup de monde à l'exposition. Et bien que je me sois pieusement plongé dans la contemplation d'un petit oiseau sur une branche de cerisier, du spectacle de musiciennes accroupies, que j'ai admiré la rondeur des coupes et le bord parfait des vases, que je me sois repu de jaune, de bleu ou de vert tendre, mes oreilles étaient touchées par les propos inoubliables sortis de la bouche de tous ces gens, armés jusqu'aux dents d'un catalogue, qui se trouvaient à côté de moi. Et lorsque, par curiosité, et facilement attiré comme je le suis, je me suis tourné vers mes voisins, j'ai rencontré des mines de circonstances qui m'ont rappelé celles que l'on croise à l'occasion d'un décès. Leur titulaire restait du moins à une distance respectable du dessin ou du vase. D'autres, au contraire, s'approchaient avec voracité, heurtaient avec leur catalogue les ventres des démons ou les tendres linéaments des fleurs dessinées à l'encre de Chine et arrachaient à leurs victimes le nom de l'école et la période d'où elles provenaient. Et l'on exigeait de connaître la dynastie et l'année, même dans les cas de dessin sous lesquels on pouvait lire de jolies légendes du genre « Jardin de la graine de moutarde » ou « Halle aux 10 bambous ». Lorsque la cugénée se présentait en couple, alors on pouvait voir que c'était le mari qui tenait le catalogue d'une main ferme, tandis que la femme posait des questions. Celle-ci demandait par exemple « Est-ce de la dynastie des Ming ?»« Oh non !» répondait le mari d'un ton doctoral. « À l'époque des Ming, le rouge est plus foncé. » Elle. « Et cela, qu'est-ce que c'est ?» Lui. « Des adorateurs. » Elle. « Nous en avons aussi. De quand sont-ils donc ?» Lui. « De 1770 à 1790. » Elle ingurgite avec ravissement ces chiffres qui bourdonnent à son oreille. Quelqu'un qui était un peu dur d'oreille demande « Celui-là, qui est-il ?» Le juge suprême. « Comment ? Le gardien du temple ?» Non, le juge suprême. « Il n'a pas du tout l'air d'un templier. » J'entendis souvent l'épithète qu'affectionnent les gens prudents. « Curieux, » disent-ils. Madame trouve que la position du bras est curieuse. Monsieur, une barbe de plusieurs jours, le nez dans le catalogue, dit « Ceci est typique. » Une dame, visiblement de la haute société, rencontre une célébrité, collectionneur lui-même. « Cela doit vous faire chaud au cœur. Ne voulez-vous pas encore emporter quelque chose ?»« Oh !» dit le haut personnage en désignant une vitrine. « Je me contente de mon vase. » Devant le grand chameau se tient une gracieuse petite fille serrant la main de son père. Elle montre du doigt les raies brunâtres sur les cuisses blanches de l'animal. « La couleur a-t-elle coulé ? » demande-t-elle à voix basse. « Ma chère enfant, enseigne sérieusement le père, non, rien n'a coulé. Chez le peintre chinois, tout est intentionnel. » Oui. Vous l'avez magistralement compris avant tout le monde, nous parlons tous avec les mots de l'ennemi, passé ou avenir. Vous dites à la fois qu'en l'absence de rituel, nous n'avons plus accès au nerf de la vie, mais dans cette absence de vie se rejoue l'essentiel de la vie. C'était Franz Hessel, le feuilleton d'un flâneur, par Bruno Tackels. Sixième épisode. Aujourd'hui, l'intraitable vigie de son temps. Avec Olivier Claverie et la voix de Maxime Dambrun. Assistance technique et montage, Pierre Henry. Prise de son et mixage, Éric Boisset. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barry. Réalisation, Étienne Vallès.